Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Ingrid Arvebert nous parlera de parents et d'enfants dans la course au trésor. Véronique Mire nous en apprendra plus sur la lettre M, deuxième partie dans son Véronique Scolaire, et on achètera des produits ridicules dans le segment Sexpress, ça devrait répondre là. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 6 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. C'est Jean-Philippe. Tu sais, le matin, des fois, il y a des gens pour qui les matins commencent rarement bien, tu sais. Genre que tu le remarques quand le matin commence bien parce que c'est rare, tu sais. Mm-hmm. Bon, on est là pour ça, pour genre remettre du pep dans la vie des gens qui la journée commence tout le temps mal. Ben, tu vois. On sert à ça. Mm-hmm. Fun, hein? Tu savais pas ça qu'on avait une mission de même. Hein? Non, je savais pas. C'est basé sur un public. Oui. est-ce que tu vas t'écouter? Demain matin, entre 6h30 et 7h30, je vais réécouter la deuxième heure de l'émission d'aujourd'hui. Pour avoir un bon matin. C'est comme la pub de la huître. Notre ami Ingrid nous demandait est-ce que ça arrive de couler son stage deux fois? T'sais, la fille a dit j'ai coulé mon stage une deuxième fois. Là. C'est basé sur un fait vécu parce que tu connais quelqu'un. Sur un fait vécu moi-même. Non. On accuse personne de rien dans le studio. Là. Si tu dis rien, ça va être comme si c'était vrai. Donc aujourd'hui à l'émission, on va avoir Véronique Mire à 8h avec la deuxième partie de son Véronique Sionnaire sur la lettre M. On sait qu'elle a une bonne dizaine de mots en M aujourd'hui à nous lister. J'espère que le mot maracas. Quand elle m'a écrit le sujet de la semaine, parce que je l'oublie, tu sais, j'ai dit, malade, malaise, c'est misanthrope. Elle me dit, non, rajoute-moi pas des mots. Là, tu viens d'y rajouter maracas. Maracas. Et maudit. Ensuite de ça, maudit. Oh, c'est drôle. À 8h30, on va faire ça exprès, ça devrait répondre là. La chronique de gadgets ridicule et inutile, mais on va débuter à l'instant. Avec Ingrid Arneberg. Bonjour, bon matin. Bon matin. Ça va? Oui. Bon, sortons la petite corde avec des poignées après pour traîner les enfants. Là, cette petite corde bizarre à la garderie. La laisse. Toujours, ouais, la laisse. C'est vrai ça. Voici la course au trésor. Hein. Quand tu veux. Ingrid Arneberg, c'est la course au trésor, la chronique de parents-enfants, la relation entre ces personnes d'un âge plus élevé et moins élevé. Et très moins élevé. Et très, très moins élevé, comme dans pas élevé pantoute, comme dans il pisse sous le tapis. On parle de fait vécu, là? Ouais. J'ai encore ce problème-là, moi. Le studio sent tellement mauvais. On appelle ça de la beuverie. Oui, c'est ça. Je perds le contrôle. Donc, aujourd'hui, ton sujet, Ingrid, c'est des fun facts sur l'alimentation. Oui, ben, c'est l'alimentation au niveau des enfants. Ben, c'est toujours dans le lien de la famille. La course au trésor veut dire les trésors des petits-enfants. Mm-hmm. Oui, puis également pas. Un peu les femmes et tout. Là. Oui, c'est tout ce qui est connexe à ça. Ouais. Tout ce qui c'est est comme bébé, un melting pot de... Par rapport à l'alimentation, je ne savais pas comment l'appeler. Mais là, c'est un melting pot de fun facts. Écoute, very on much, peut y aller comme ça. Oui, phone, two tongues. Excuse-moi. Donc, il existe la part des nouveaux aliments. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Non, la part des nouveaux aliments dans la... La peur. La peur. C'est un fait. Le Foodies phobie. Mettons en français. Foodies, pas en français. F-O-U-I. Ben oui. Non. Hashtag foodies. Hashtag foodies. Non, c'est la néophobie alimentaire. C'est vraiment la peur des nouveaux aliments. Parce que néophobie, c'est la peur de quelque chose qui est nouveau en général, oui. Sans être de la nourriture. Okay. Exactement. Mmh. Donc, ça arrive surtout chez les enfants qui ont plus de 2 ans. Donc, quand l'introduction des solides est bien commencée, qu'on commence généralement vers 6 mois, l'introduction des solides. Donc, C'est ce qui est recommandé, là, mais je, à un moment donné, c'était 5 mois, des fois c'est 7 mois, bref, ça change le temps. Il y a une forte résistance à goûter des nouveaux aliments, puis si on accepte de goûter ces nouveaux aliments-là, ça goûte mauvais. Tout de suite, ça goûte mauvais. Et ça atteint aussi bien les enfants que les parents. Ben, pas les parents, mais je veux dire les adultes. Les gens qui sont pas des enfants, finalement. Ouais. Les non-enfants, comme on l'appelle. Mais tu vas voir une grande majorité chez des enfants de plus de 2 ans. Ouais. Ben moi, en tout cas, je me rappelle de nourriture que j'ai recommencé à aimer très, très récemment, que j'avais goûté quand j'étais jeune, et c'était le souvenir qui m'était resté. Donc, ça peut vraiment rester longtemps, ça. Oui, oui, vraiment. Les petits pots de bébé? Non, c'est bon. Oui, c'est vrai que c'est bon. Ça fait longtemps que t'as pas été dans un shower de bébé. Ça, c'est quand on jette des enfants à la tête, là, pour prendre une douche. Effectivement. C'est vraiment trouvé bon. Quand son petit pipi fait pss, 10 ans. Okay. Oh my God. Oh my God. Donc, le refus d'essayer des nouveaux aliments est souvent présent chez les enfants, mais à divers degrés. C'est pas nécessairement de la néophobie. Okay, c'est pas parce que l'enfant veut pas y goûter ou veut pas essayer que c'est de la néophobie. La néophobie, ça va être vraiment là un dégoût profond. Les enfants vont même prendre peu de poids, vont être très catégoriques. Je veux pas de céréales. Ouais. Ou il y a des cas d'enfants où est-ce que lui va manger une sorte de céréales, il va boire du lait, mais mixer les deux ensemble, c'est une crise de 45 minutes à table. Ah ouais. Et je refuse. Fait qu'il y a des enfants qui vont se ramasser à l'âge de 4 ans de peser autant qu'un enfant de 2 ans. Mm-hmm. Oh, OK. Parce qu'ils refusent de s'alimenter. C'est même pas un manque d'appétit, là, c'est un manque de « je ne veux pas ». C'est comme une peur là, vraiment viscérale de « c'est jaune, c'est dangereux, je veux pas manger ça ». Ça a l'air vraiment, mais pour les parents, c'est un cauchemar. Est-ce qu'il peut dire à sa mère, genre « ah, j'aime pas tes seins, goûte pas bon ». Tes seins sont trop pendouillants, j'en veux pas. Je veux ça ferme. Ça peut arriver aussi à l'âge adulte. Il est pas mûr. Oui. Tu l'as pas laissé dans l'armoire assez longtemps. Mais tu vois, la majorité des enfants à l'été, c'est jusqu'à 6 mois. Fait qu'à 6 mois, tu peux quand même dire ça. Je pense que c'est ton fun, hein? Ouais, un peu. Hein? Ça a plus l'air réaliste. Moi, j'aime ça quand ça a l'air vrai, les jokes. Non! Bon, il y a une étude qui a été publiée dans la revue Obesity qui dit que les gènes sont responsables à 72% de la néophobie alimentaire. Donc, ce serait quelque chose de génétique. Et les facteurs environnementaux vont occuper le reste du pourcentage. Donc, c'est vraiment une grosse part génétique. Après ça, c'est ton environnement. Tu sais, si tes parents vont comme « urk, du brocoli, urk, des légumes », ça se peut que tu imites le comportement. Mm-hmm. Donc, la résistance à manger des légumes verts, des fruits, de la viande serait même liée à l'évolution. Parce que les enfants sont généralement réticents à manger des aliments qui étaient historiquement dangereux. Exemple, des champignons. Ah. Donc, c'est vraiment... Il y en a qui expliquent ça par vraiment une façon de... si c'était vraiment très, très rouge, tu sais, souvent, ça voulait dire poison. Donc, les enfants vont pas être portés à manger quelque chose de très, très rouge. Donc, c'est vraiment comme si c'était... ils se rappelaient... Ou c'est très, une théorie, je m'imagine. Oui, c'est très primitif, là. C'est une théorie, puis ça vient dire comme primitivement, tu le savais dans toi que c'était dangereux de manger ça. Fait que là, maintenant, tu refuses. Même si t'as évolué, puis c'est plus dangereux. On partira pas sur un débat, mais c'est vrai que j'ai des difficultés avec les théories comme ça. C'est comme genre, ah, les gars sont attirés par les filles qui ont des grosses fesses parce que c'est un symbole de fertilité. Moi, on dirait que c'est comme. Je sais pas si t'as je crois à ça. T'as un c'est ça? Excuse-moi, c'est vraiment facile! Avec ma face en ce moment, tu peux supposer ce que tu veux. Les gens à la maison, pensez ce que vous voulez. Là. Excuse-moi, c'est vraiment facile. Mais Mathieu, il n'y a pas eu de réplique là-dessus. Non, c'est wow, ça. Rien à dire. C'est une première, je pense. Mais là, je suis fière. Il est vraiment fatigué. Je suis vraiment bonne. Je vais mettre un petit X ici au 6 novembre. On avait un calendrier qu'on n'a pas encore ouvert. Il sert à ça maintenant. Oui, c'est vrai. Il va servir à ça. Malaise à Mathieu. Donc, oh là là. Bon, donc il y aurait cette théorie-là, mais bon, hein, t'en prends puis t'en laisses. Si t'as l'impression que ça peut expliquer pourquoi ton enfant mange pas des poivrons. C'est ça, ben oui. Garde-toi. Ben oui, parce que c'est vraiment un cauchemar pour les parents. Puis tu sais, faut essayer tout le temps, puis ça marche pas. Puis c'est dur, puis voilà. Même si c'est pas de la néophobie, c'est dur. Introduire des aliments nouveaux quand t'as un enfant qui est... Comment? Il est comme les gens dans les bobos. Il y a une étude aussi. Bon, c'est un fun fact, le melting pot de fun oui, facts. Oui, on se brosse le fun fact. Ah, c'est ça. Fait autre fun fact. Il y a des bonnes habitudes, mon Dieu, alimentaires pour être inculquées dès la maternité, donc dans le ventre de la maman. OK. Ils ont fait une étude, il y a une étude brésilienne qui a été faite sur des bébés rats. Puis le rat, au niveau, dans les tests cliniques, là, c'est l'animal qui se rapproche le plus de nous. Ouais. C'est le temps passant. Et ils ont démontré qu'en évitant du stress au nourrisson ou au nouveau-né, là, vraiment, là, ils viennent à peine de naître, ils étaient moins portés à l'âge adulte de se retourner vers des aliments qui étaient très gros ou sucrés pour se rassurer. Donc, c'est qu'en fait, là, pour les bébés rats, ils en veulent ni. Là, ça se crée un gros stress pour ces bébés rats-là. Là, ils se sont rendus compte que le groupe qui avait eu le nid versus le groupe qui n'avait pas de nid, ben le groupe qui avait eu un nid était moins porté vers le truc sucré et gras. Que les bébés pas nid, parce que tu dégages du cortisol, puis là, blablabla. Okay. Ce qui est très référenté au stress. Tu sais, les mamans, « Ah, j'ai un bébé anxieux et tout. » Puis tout le long de la grossesse, elle a été très, très stressée. Tu vas sécréter beaucoup de oui. cette hormone-là. Donc, ton bébé, pour lui, un taux élevé de ça, de cortisol, c'est normal. C'est normal. Ouais. Fait qu'il faut tout le temps qu'il en sécrète pour atteindre un niveau normal. Fait que c'est doux, puis ça crée de l'anxiété. C'est comme l'hormone du stress, si tu veux. Ouais. Si on fait ben simple, fait que c'est pour les épais comme nous autres. Ben non, mais tu sais, on va pas se mettre dans le système endocrinien à matin. Mais tu vas voir, ces enfants-là vont devoir sécréter beaucoup de cortisol pour avoir un niveau normal. Donc, vont être des enfants très stressés. OK. Si la mère, mettons, tu sais, elle était enceinte autour de la période de l'Halloween, puis qu'elle avait acheté beaucoup de bonbons, puis qu'elle mange beaucoup de petites barres Mars Snickers, là. Non, c'est pas ça. Marche pas, ça, c'est pas ça. C'est ça, c'est du sucre. C'est là, tu vas shooter ton bébé au sucre. OK. Mais même à ça, écoute, bébé, il prend. Tu sais, c'est plus sur toi que ça va. Bébé est très égoïste. Mettons, tu manques de calcium. Toi, tu t'alimentes pas. C'est le meilleur exemple, je pense. Tu manges pas beaucoup de produits contenant du calcium. D'accord? Et donc, ton enfant n'a pas un apport beaucoup par l'alimentation que toi, tu fournis. Ce qu'il va faire, il va aller décalcifier tes os pour aller chercher son apport en calcium. Fait que vraiment, lui, il va se mettre « je vais être correct ». Mais maman va partir de ça. Tous les enfants sont des criminels jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est vraiment, en voulant dire, bébé très, très égoïste. Là, lui, il est vraiment en mode survie. Là, et c'est toi qui vas payer pour. Ouais. Quand tu manques de calcium, là, mettons, là, si tu es comme une personne qui manque de cheveux, fait que tu dis de la calvitium, mettons. Non. Une hypocalcémie. Ah, OK. Maudit. Ça tombe tout le temps à plat parce qu'elle a tout le temps la bonne réponse. Ben oui, c'est ça qui arrive. Tu plates, hein? On devrait pas inviter des chroniqueurs intelligents. Non, c'est ça. Juste des caves. Oui. Écoute, ça relève le niveau de l'émission. Merci, le sang. Heureusement que t'es là. C'est une blague, hein? Je vous aime beaucoup, beaucoup. Vous autres aussi. Donc, pour se rassurer en cas de stress émotionnel, les gens sont plus portés à manger des aliments qui sont sucrés et caloriques que des fruits et des légumes. Ça, c'est prouvé. Mettons que ça va pas bien, ton comfort food, c'est plus des whippets que genre des fraises. C'est quand même noir, les whippets. Hein? Vous, là. Ben oui, je l'ai. Chez nous, c'est des whippets. Vraiment, ma mère, c'est des whippets à fond. Yes, farts. Donc, pour une. C'est pas une des réponse qui. Je la comprends à délai. Ah, moi, j'ai compris ça à délai, là, comme peut-être quoi, 15 secondes au moins, ouais. Là, on pourra le réécouter. Mais... Des Wii Pets, c'est des Yes Farts. C'est des Yes Farts. Oui, Pets. Oh, God. Oh, God. Je suis pas le B. Je suis pas le B. Finalement, ça allait bien. Oui, c'est ça. Je suis dans la moyenne. C'est vraiment. J'ai pas pris de café. Oh. J'essaie de faire une cure. Est-ce que ton eau est dans un gigantesque pot maçon? C'est pas ça? Oui. Je te rappelle dans quoi je suis dit. C'est commun dans ma communauté. Bon, je suis peut-être le plus gros de la classe, mais bon. T'as besoin de beaucoup d'eau. Oui, vraiment. Sinon, je suis comme... Je suis la journée. Mais vraiment. Bon. Donc. Oui, moi aussi, je pleure. Oui. Mais j'ai enlevé mes lunettes. Oui. C'est pas une réponse qui est psychologique, d'accord? Tu sais, d'aller manger de la malbouffe, si tu veux, parce que tu as un stress. Les scientifiques ont découvert que le stress chronique à l'âge adulte, il peut déclencher des réponses hormonales. Ça va pousser les gens, surtout les femmes, à la malbouffe, juste pour compenser, juste pour se rassurer. Donc, c'est vraiment le stress chronique qui va déclencher une réaction hormonale. Donc, c'est pas je vais pas bien dans ma tête, donc, tu sais, je vais manger de la malbouffe, je sais que ça va me faire du bien. Tu sais, c'est pas psychologique, c'est vraiment hormonal. Okay. Et les femmes en sont plus affectées que les hommes. Comme bien les affaires. Mais oui, c'est vrai. Après ça, éducation alimentaire. L'éducation alimentaire va requérir beaucoup de patience. Plus elle commence tôt, plus elle est efficace. Donc, plus on apprend à un enfant comment cuisiner, pourquoi est-ce que c'est le fun de manger du poivron, du brocoli, plus ça va être intégré et plus la personne est capable de réutiliser ces informations-là plus tard dans sa vie. Il y a des initiatives de chefs et de nutritionnistes pour éduquer les enfants. On a vu ça avec Jamie Oliver qui arrive puis qui montre comment sont faites des croquettes de poulet industrielles versus comment... Celles que tu fais à la maison. Ouais. Fait que là, il y a des chefs, des nutritionnistes qui vont dans des écoles puis qui font ça. Par exemple, ils vont montrer aux enfants comment est-ce que ils font du jus d'orange industriel. Donc, tu sais, c'est de l'eau, du colorant, des arômes artificiels. C'est même pas bon, en plus. Non, puis ils mettent des sachets de sucre. Puis là, au bout de 5 sachets de sucre, les enfants sont comme « Oh, mon Dieu, arrête! » Mais en fait, tu peux en avoir jusqu'à 9. Fait que ça montre aux enfants « Mon Dieu, il y a tellement de sucre là-dedans puis je m'en rends pas compte. » Donc, c'est vraiment une façon aussi de les éduquer. Il explique ce que ça contient comme produits commerciaux, un peu comme Jamie Oliver le fait dans son émission. Puis on a tout vu la petite capsule, je pense, qui a roulé pas mal, là. Ils vont apporter aussi une vision de la nourriture dans les écoles qui n'ont pas de cuisine ni cafétéria. Donc, des enfants qui mangent des sandwichs à longueur de semaine, au ballonné, tout le temps. Mm-hmm. Ouais, puis... Mais c'est triste. Puis en plus, avec les restrictions alimentaires maintenant dans les écoles, t'es vraiment limité, là. Oui. Au niveau des collations et tout, c'est un méchant débat. Pour là, protéger ça. Les autres, alors que tu pourrais juste aussi garder ton lunch pour toi. Mais oui, puis en fait, c'est d'éduquer aussi l'enfant qui a une allergie à « Non, moi, je peux pas prendre ton lunch, je te remercie, mais je suis allergique. » C'est une façon ça aussi ça devrait de... plus être ça. Sinon, tu punis tout le monde pour quelque chose de... Puis à l'âge adulte. Ouais. Tu sais, je veux dire, cet enfant-là, à l'âge adulte, n'est pas conscient de ce qu'il y a. C'est encore une fois ramener le patient dans « Je suis conscient de ma condition et ça me permet de grandir, de m'élever de tout ça. » Bien dit. Voilà. Donc, il faut enseigner l'alimentation, c'est omniprésent de nos jours. C'est important de sensibiliser les jeunes très tôt, mais il faut y aller progressivement pour que ça soit plus efficace, plus à long terme, tranquillement. Tu leur montes des bases, tu leur montes à cuisiner, pourquoi moi je fais telle chose, des trucs comme ça. Il faut que les enfants participent. Puis quand ils réussissent quelque chose en cuisine, ils sont très fiers, les enfants. Quand tu apprends à faire pour la première fois du spaghetti, oh mon Dieu, tu sais, c'est facile de faire cuire des pâtes, là, mais quand tu arrives pour la première fois. C'est une des seules choses que je suis capable de faire, comment? Ou cuire un œuf. Donc, la cuisine va développer l'estime de soi. Donc, c'est une belle initiative aussi. Et dernier petit truc, le lait maternel sur Internet. Pensez-vous que c'est une bonne idée d'en acheter? Non, je dirais non sur Internet. Non. Qui sait que vous avez raison? Hey! Même sur pas Internet, je suis sûr que c'est pas bon. Même sur pas Internet, le nouveau réseau 2.0, le pas Internet. Le pas Internet. Il existe des banques de lait, OK? Donc, puis il y a une nouvelle initiative à Montréal d'une banque de lait. Donc, les donateurs sont filtrés et le lait est pasteurisé. Donc, c'est une très, très belle initiative. Oui, c'est comme donner son sperme, sauf que là, on donne du lait maternel. Oui, ou comme donner son sang, ou des trucs comme ça. C'est pratique pour les nourrissons, les nouveaux-nés et tout. Il y a plein de bienfaits dans le lait naturel qu'on n'est pas capable de reproduire dans le lait commercial. Okay. Donc, c'est des belles initiatives, sauf que c'est des banques de lait qui sont contrôlées. Quand tu vas sur du lait sur Internet, qui est offert en ligne, il n'y a aucun contrôle de qualité. Tu sais pas vraiment si c'est du lait maternel. Ça pourrait être bien d'autres choses. Il y a eu des scandales là, dans le lait commercial là, que c'était du plâtre. Oui. Ouais. Qu'il y avait du plâtre dans les formules. Donc, qu'est-ce que tu penses sur Internet? Puis c'est pas sécuritaire pour l'enfant du tout. Là. Ils ont fait une étude récente aux États-Unis. Ils ont analysé 101 échantillons qui étaient offerts par des femmes sur un site très populaire de vente de lait en ligne. le trois-quarts qu'on a suffisamment de bactéries pour rendre le bébé malade. Donc, les bactéries ils provenaient de la peau de la mère. Les pompes utilisées pour prélever le lait. T'es laves-tu, tu sais? Je veux dire, faut que tu stérilises, là. Ou des méthodes d'expédition qui étaient insalubres. Puis imaginez, c'est une mère qui est toxicomane parce qu'elle a de l'argent en vendant ça. Mm-hmm. Ben, il y a beaucoup de toxines qui passent par le lait. Je veux dire, le VIH passe à travers le lait maternel aussi. Fait que quand... Je veux dire, il n'y a aucun contrôle, là. Et bref, c'est pas vraiment, vraiment pas une bonne idée. Ah, elle n'a pas fait. Voilà! On a appris plein de choses, comme toujours. Oui. C'est trop pour moi. Faut que je prenne des notes pour retenir ça. Réécoute la capsule. Oui. je me sens comme un enfant à la maternelle. Oh! Le maternelle. Oh non! Le maternelle. Le maternelle. Mais je t'infantilise pas. C'était facile. C'était juste pour la blague, c'est pas vrai. C'est pour faire un jumeau avec les maternelles, mais c'était super mauvais. Excuse-moi. Bois de l'eau là, dans ton gigantesque pommage. On se retrouve la semaine prochaine, Ingrid Arneberg et sa chronique La course au trésor. C'est tous les mercredis à 7h35. Oui. Voilà, Jean. On se quitte avec une pièce du palmarès francophone. C'est une nouvelle entrée de Louis-Philippe Gingras. Voici, c'est la pièce, je l'avais notée tantôt en plus, je t'ai dit pour la retenir. C'est roulé dans le noir. Tout de suite, c'est fou. La sœur Véronique Mire s'en vient et sa chronique le Véronique Sionnaire. Du rêve égrené dans le fondement, toaster. De l'amour calciné dans le fond de mes shorts, de la bouffe dans mon fridge, une lumière allumée, pacter mes petits bouts de maison. Je suis parti me faire une raison. J'ai croisé ton fantôme dans le fond d'un truckstop. J'ai tatoué son nom dans mon paquet top. J'ai skippé le domaine, peur que tu te ramènes, que tu me ramènes dormir à maison. J'suis parti à chasse aux démons. Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir. Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir. Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir. Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir. Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir. Satan dans mon miroir. L'amour calciné dans le fond de mes shorts, de la bouffe dans mon fridge, des lumières allumées, pacter mes petits bouts de chansons. J'suis parti pour mieux revenir bon. On retourne à la chronique de Véronique Mire à Assemblage Rookie, reste là. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR.

Mais c'est tellement petit que quand même... C'est ça. Comme outil promotionnel, pas tout à fait la meilleure affaire. Quand même. Mais quand je suis allé là, à New York, il y a une dame qui faisait ça, mais pour... je pense que c'était son shower. Ou en tout cas, elle disait que c'était un garçon. Comme, j'envoie un garçon. Fait que ça, là, tu reçois un petit paquet pour dire que tu vas recevoir un petit paquet ça par doit coûter la cher, cigogne. Quand même. Qui va avoir un petit paquet. Oui. Ça va avec. Oui. Puis, tout récemment, ben récemment, en fait, en 2008, le site promotionnel M&M's Street, la rue où tout part en cacahuètes. Donc, il y a des parodies de films, des vidéos, des pubs. Il y a aussi beaucoup de trucs que vous pouvez acheter d'M&M, là, évidemment, sur ce site-là. Et pour terminer, saviez-vous que les M&M Peanut, le M&M Orange, a vraiment une saveur plus particulière que les autres? Hein? Je n'ai pas fait le test. Ça m'intrigue énormément. Vous n'avez pas de bol d'M&M? Non! Il va vraiment falloir que j'essaye ça. Essayez ça cette semaine. On s'en donne des nouvelles. On les garde pour la fin. Oui. Les oranges, c'est ensemble. Oranges. C'est une bouchée d'orange. Merci, Véronique. Ça fait plaisir. Et moi, c'est Mathieu. Fait que c'est M&M, you know. M&M. Tout Jean-Philippe Charbonneau. Ça, il cherche oui, je suis comme qu'est-ce que je pourrais dire. Ouais, t'es monsieur le directeur général. Donc voilà. À la semaine prochaine, c'est mercredi à 8h. Oui. Pour une autre édition du Véronique Dictionnaire avec la lettre L comme loser. Comme dans Luigi. Oui, locasse. Local. Loyauté. Oui. Looney Tunes. Looney Tunes. Oui. Lollipop. Oui. Oui. Ouais. Il manque moins. Il était à off pas mal, toi. Oui, je sais pas. Le L m'inspire pas. Le L, il est l'air. LOL. On prend une pause, on revient avec, entre autres, la chronique. C'est ce que ça ne devrait pas, là. Oui. À tantôt. Bye-bye. Bye. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon retour, c'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en ce mercredi 6 novembre 2013. Jean-Philippe Charbonneau est là. Mathieu Plante est là. Oui, malheureusement, Stéphanie Paradis n'est pas là. Non. On est regretté de devoir vous annoncer ça comme ça. À sec. À froid. Comment on dit ça, à froid, à sec? À froid. Ben les deux sont pas bons, c'est pour une poutine ou une pizza. À froid ou à sec, c'est les deux pareils. Là. Ouais, une poutine pas de sauce, c'est comme... J'attends la réponse à ça, la suite. C'est comme un pas de sauce. Un yogourt, pas de mangue au fond. OK. Non, ça marche pas. Mais pas vraiment. Je te laisse une dernière chance. Une pizza, pas de fromage. Facile. Ah ben là... En tout cas... Je te laisse plus de temps encore. Ben là, ça marche pas. On écoute Mange, l'ours mange, un nouvel extrait du palmarès francophone. C'est terrifié. Terrifié. La pièce Terrifiée par Mange l'ours mange sur leur album Loin de l'œil. Moi, j'ai bien aimé cette nouvelle entrée-là du côté francophone. Magnifique. Vous pouvez entendre toutes les nouveautés de chaque côté. Il y en a quatre du côté franco et une en anglophone. Ce sera jeudi entre 15h et 18h au Palmarès C'est fou avec Stéphanie Paradis et moi-même. Oui. Oui. Maintenant, Jean-Philippe, toi, oui. T'as un arbre chez toi. Oui. Oui. Qui, où il pousse de l'argent. Oui. Oui. Et, mais je partage pas. Mais c'est juste pour toi. Fait que, mettons, je te demande juste un petit 10$. Pour acheter quelque chose que, mettons... Un gadget inutile. Mettons. OK. OK. Cool. Moi, si ça existe, ça ne devrait pas. Là. Mais j'allais une semaine sur deux. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique des choses qu'on achète sur Internet et dont on pourrait facilement se passer. Donc, ouais. on va réparer des choses, des problèmes qu'on a dans la vie. On a besoin de produits pour régler ces problèmes-là. Commençons par, justement, c'est ton bain. L'eau est trop froide ou trop chaude. Des fois, tu vas arriver, tu vas mettre ton pied dans le bain. C'est vrai? Ah, trop chaud, ah, trop froid. Oui. C'est jamais correct. T'sais. Donc, il te faut ce gadget-là pour savoir la température avant même d'embarquer dans le bain. Un thermomètre? si on veut. Non, c'est un gadget qui s'insère au-dessus de ton robinet. Et dans le fond, l'eau passe à travers ce gadget-là et ça va afficher la température de l'eau de façon numérique. Vous pouvez l'ajuster, donc l'eau, sans avoir à être touché jusqu'à ce qu'elle soit prête. Ça coûte 30$. Le nom du produit, c'est le 4 Moms Tub Spout Cover Digitally Displays the Water Temperature. Eh ben. C'est sur Amazon.com, ça coûte 30$. C'est une bonne idée. Pas très utile. Je préfère utiliser encore mon gros orteil. Il est tellement sensible. Ah ouais, OK, je viens de le voir, là, la page vient de loader. C'est quand même gros. Oui, c'est une grosse affaire, mais c'est pour les mamans. Oui. Pour bébé. Ah oui, c'est correct. Ça leur dérange pas de se mettre du litre de biberon sur l'avant-bras pour avoir la température, mais il faudrait pas mettre le doigt dans l'eau du bain. Non. Non. Ensuite, tiens, ça, c'est vraiment cool. Il y a pas vraiment c'est pas vraiment une solution à un problème, mais c'est le Newton Milk and Sugar Set qui garde votre sucre au niveau... mais dans une crémière, dans un crémier, ouais, si on veut. Ouais, c'est cool, donc, t'as un crémier de céramique de porcelaine, tu mets ta crème dedans et t'as un bol qui va s'insérer dans la tasse, si on veut. Et c'est un peu comme les affaires pour enfants, que quand l'enfant bouge, ça reste tout le temps sur le même angle. Donc, c'est vraiment le même principe. Et tu mets ton sucre dans le dessus, donc ça devient un crémier sucrier en même temps. Quand tu penches pour verser le lait, ben, le sucre reste au niveau. C'est le fun. C'est cute. Et puis, si on regarde combien ça coûte tout ça sur Amazon, soit... Hey, Colin! En noir, 60$. Ben là. Ben non. 6 onces pour la crème et 2,3 onces de sucre. C'est fait en porcelaine, mais 60$. Ouais. Puis comment tu le remplis, le lait? Tu peux enlever le petit bol. OK. Et puis le lait se va en dessous. Merci. Tu mets de la crème ou du lait ou du lait sans lactose, comme vous voulez. Ensuite... vous venez de pas passer l'Halloween parce que Colin, contexte universitaire, veut qu'on n'a pas le droit de se déguiser ou passer l'Halloween. C'est pas mature, c'est pas assez mature. bref, vous voulez avoir vos bonbons quand même. Oui. Il faut acheter sur Amazon pour 40$ une citrouille, un seau en forme de citrouille, comme on ferait pour passer l'Halloween, mais rempli de mélange 50-50 de chocolat et de bonbons. C'est un panier cadeau d'Halloween. À l'intérieur, il y a 3 livres. De bonbons d'Halloween, de Snickers, Twix, Crunch, Reese's, Kit Kat, Butterfinger, Hershey, Starburst, Sweet Tarts. Sweet Tarts, c'est des Smarties américains. Et puis Nerds, il y a un paquet d'autres affaires. Wow! Tu peux aussi aller en acheter ceux qui veulent. Ça vaut plus rien. Là, non! Dans les épiceries, c'est l'endroit où les acheter en ce moment parce qu'il en reste encore dans certaines épiceries. Mm-hmm. Allez pas dans les grandes surfaces, c'est fini, c'est rendu des affaires de Noël, vous le savez. Ensuite, tu sais que Google Glass, tu peux prendre des photos. Ça, c'est les lunettes de Google que tu insères sur le visage et ça prend des photos quand tu lui demandes. Bon, ouais. Mais ça prend pas les photos de choses que tu veux prendre en photo nécessairement. Des fois, tu pourrais oublier de prendre une photo. On l'a dit avec Véronique Meir dans une précédente chronique. Qu'est-ce qu'on a dit en fait avec elle? Qu'on oubliait de capturer des photos au moment important et des affaires comme ça. Non. Peu importe, je m'en fous, c'est pas grave. Bref, l'idée de pouvoir capturer quelque chose n'importe quand est de plus en plus accessible. On sait, on a tous nos téléphones cellulaires prêts à être sortis. Mais ici, la NeuroCam est développée par l'équipe de chez NeuroWare à Tokyo. Et ça scanne les brainwaves, donc les ondes dans ton cerveau. Et ça va leur assigner un niveau d'activité entre 1 et 100. Et quand le niveau dépasse le 60, ça va prendre un GIF animé de 5 secondes de ce qu'il y a devant toi. C'est comme un genre de Vine, si on veut, mais un GIF animé de 5 secondes. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, pas besoin de chercher ton téléphone. Pour l'instant, c'est un prototype, donc pour l'instant, il faut mettre son iPhone sur le côté du casque. C'est pas très joli. L'algorithme d'analyse est basé sur le taux de sensibilité développé par le professeur Mitsukura de l'université Keio. Et ça a été co-développé par l'équipe de NeuroWare et spécifiquement pour la NeuroCam. Donc, on va voir ça arriver, j'imagine, un jour sans l'iPhone accroché. Impressionnant. J'aime ça. Ensuite, on manque tout le temps de crayons. Vous savez, même dans le studio ici, les gens partent avec nos crayons. Vous, c'est sûrement la même chose. On passe un crayon à quelqu'un, il revient jamais. Mm-hmm. Bon. Ici, c'est le Jack Pen. C'est un crayon stylo qui entre dans la prise écouteur de votre téléphone. Donc, le côté noir, c'est ça, mais ça a l'air bizarre dit comme ça. Mais le côté stylo avec la mine entre dans la prise écouteur. Et évidemment, c'est fait exprès pour pas que ça touche à rien. Et quand tu as besoin d'écrire, tu débranches ça de ta prise écouteur, tu le rebranches à l'endroit et ça te fait un embout de crayon. Ouais. Mais court de genre 1 cm. Ouais. Ben ça, tu sais, je sais pas, j'essaie de m'imaginer écrire avec mon téléphone dans les mains. Pas pratique. Non, il me semble que c'est trop gros. Ça balotte. Oui. C'est pas stable. Ça glisse. Mets-le sur ton crémier sucrier. Oui. Attache après ça, puis ça va être parfait. Donc, le Jack Pen, le crayon miniature, quand vous avez terminé de l'utiliser, vous le remettez dedans et ça fonctionne super bien. Donc, nous dit-on, ça coûte 7$ pour un paquet de 3 Jack Pens. Voilà. Ensuite, quand on mange des côtes levées ou des affaires comme ça qui te beurrent les doigts, des ailes de poulet, entre autres, c'est plate parce que t'es tout le temps pogné avec ta grosse napkin, t'es un rouleau de Scott Towel après toi ou un gars qui s'appelle Scott. Oui. Sur qui tu. Ou un François Mascott. Mascott, évidemment. Oui, parce qu'il fait en Scott Towel, on le sait. Bref, comme des hommes de Néandertal, on mangera pas avec nos mains, là, c'est trop salissant. Des ustensiles, c'est prétentieux. Donc les trunks, c'est des ustensiles à doigts qui vous donnent la dextérité des doigts, mais sans qu'ils soient à découvert. C'est des morceaux de plastique en forme de petite pince. C'est comme le meilleur des deux mondes, là. Donc chaque trunk couvre 3 doigts, ce qui est assez parfait pour manger des Cheetos ou autre chose comme ça. 25$ pour un paquet de 6. Moi, c'est ça que je trouve bizarre. C'est comme le Jack Pens. As-tu vraiment besoin de 3 Jack Pens? Pour 7$, as-tu besoin de 6? Trunks pour 25$. Ben. Fait qu'à 3. Mais tu manges jamais des ailes de poulet tout seul? Il y a ça. Ou des côtes levées? Ouais. Ça en fait pas pour toi tout seul, là. C'est trop de travail. Ben non, ben non. T'sais. Mais moi, je suis un fan du stencil pour les côtes levées, par contre. Ah oui? C'est pas vrai que c'est dur manger des côtes levées avec des ustensiles. Du tout, non. Quand c'est faux. C'est quand elles sont bien faites. Ben oui. Ça s'enlève tout seul de là, cette affaire. Si c'est pas manger avec une fourchette, c'est que t'as mal fait tes côtes levées. Voilà. Fait que voilà. C'est dit. C'est dit, la vérité sort de la bouche d'un gars qui commence à débuter la trentaine. Puis, qui n'a plus de voix, bien sûr. Qui n'a plus de voix, parce que... ensuite, ah tiens, et d'un... non, je ne ferai pas de blague de viol à radio. Donc, à la place, parlons juste d'un sous-vêtement anti-viol qui s'en vient. C'est une ligne de sous-vêtements qui s'appelle AR Wear, qui ne peut être enlevée par n'importe qui d'autre. Dans le fond, peut seulement être enlevée par la personne qui les porte. Donc, c'est des shorts avec un contour qui est résistant aux déchirures et aux coupures. Donc, tu ne peux pas les couper avec des ciseaux. Ça, c'est autour de la taille. Donc, les ouvertures sur les jambes sont aussi protégées. Impossible à être déchirées. Et le panneau à l'avant ne peut pas être enlevé à moins de faire ce qu'on appelle le « clock hand lock ». C'est-à-dire placer deux petits leviers qui sont à l'avant du sous-vêtement à des angles spécifiques, OK? T'as comme des petits genres de leviers et tu dois les placer à 1h40, 3h50, etc. Tu sais, il y a une combinaison qui est dite à l'avance sur les instructions. Donc, tu peux seulement les ouvrir si les deux sont à la bonne place. C'est un peu comme un code sur un vélo, genre. Wow! On se comprend. Donc, c'est un outil de plus qui pourrait devenir un facteur décisif pour un violeur, dans le fond, qui devrait... c'est un peu comme si, je sais pas, tu sais, mettons, t'apportes à la maison un autocollant d'une compagnie de système d'alarme. Bon, ben, pourquoi se risquer? On va juste y aller. Bon, ben, le gars pourrait dire, ben, tu sais, à des sous-vêtements barrés, bon, ben, là, je vais aller voir ailleurs. Tu sais? Oui. Ouais. C'est ce qu'on nous dit. Il y a un psychologue qui a analysé ça, qui dit que, bon, tu sais, ça parlait que... certains, mettons, violeurs pourraient devenir violents, justement, par rapport à la fille si elle veut pas ouvrir son sous-vêtement, puis tu sais, la frapper jusqu'à temps qu'elle décide de débarrer. Le psychologue dit que cette méthode-là est la méthode la plus efficace pour ne pas que ça arrive. Ah, je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'il dit. C'est sur Indiegogo, on peut aider la compagnie en faisant des dons sur leur campagne Indiegogo. Par contre, contrairement à d'autres campagnes, ça ne vous promettra pas un produit. Vous allez seulement avoir un rabais plus tard, si ça finit par se rendre. Ensuite de ça, quand on fait des muffins, tu sais, les muffins, c'est le fun de pouvoir mettre des affaires dessus. Oui. Des fruits, de la crème fouettée. Mm-hmm. Mais quand le muffin est bombé, ça marche moins. Donc, il vous faut les bake shapes. C'est des petits morceaux de silicone qu'on insère sur le dessus d'un muffin avant de les passer au four. Et ça va faire la forme du silicone. Par exemple, un petit trou avec des vagues ses côtés, un petit trou avec des triangles ses côtés. Et vous allez pouvoir mettre vos affaires dedans. As-tu vu comment j'étais heureux? Oui, ça paraît. Oh. La pâte va lever, va remplir la forme du silicone. Étant donné que le silicone est assez pesant, donc j'imagine que c'est pour ça que ça peut fonctionner comme ça. Donc allez voir la petite vidéo de 30 secondes qui explique comment ça fonctionne. C'est un emballage de 6, des bag shapes en silicone. 2 de 3 designs, donc il y a 2 exemplaires de chaque 3 designs, chacun des 3 designs. Et un truc pour les faire cuire, donc une plaque. Pour le même prix que je n'ai pas mentionné parce que c'est sur le lien externe, sur Quirky.com. Quirky, qui est la compagnie qui fabrique des produits communautaires. Donc, les gens proposent un produit, les autres votent pour faire ce produit-là. Et puis, ça finit, entre autres, chez Walmart, des fois. Ouais. Donc, Quirky, vas-y. Ce que je trouve triste là-dedans, c'est que moi, ce que je préfère du muffin, c'est le capuchon. Moi aussi. Mais ça dépend. Là. C'est sûr que si je mets de la crème fouettée dessus puis des petits fruits, ça va. Mais ce que j'aime, c'est quand c'est... Le dur du cap. Moi aussi. Et ce que je préfère faire, c'est twister le cap. Oui. Et enlever, jeter l'autre. Ben, le manger en deux bouchées. Là. Mais déguster le sucre. Ah oui. Et on a déjà parlé de ça dans une autre chronique. On avait aussi parlé de muffins qui vendent les muffin tops dans les épiceries. T'as juste les muffin tops qui sont déjà cuits. Là, je vais le faire réchauffer genre au micro-ondes, je sais pas pourquoi, au four. Donc, si ça te dit quelque chose, regarde ça à l'épicerie. Wow! 20$ pour les bag shapes en passant. Ensuite, dessinez votre propre lampe. On a tous ce problème-là dans la vie. Nos lampes sont tellement plates, on veut dessiner notre propre lampe. C'est clair. Donc, c'est un panneau blanc sur lequel on dessine une ampoule et il y a un trou au milieu et on penche ça contre une ampoule. Ça coûte 60$ pour dessiner votre propre ampoule. Je m'attendais pas à ça. Ça résume la chronique, ça, je trouve. Ouais, mais oui, pour de vrai, tu pars ta chronique, c'est vraiment fort. Là, ouais. Dessiner ta propre lampe. Là, je m'attendais à une imprimante 3D, quelqu'un, une compagnie. Mais non, c'est juste un petit bout de plastique blanc. Puis t'accotes une ampoule dessus. Puis ça coûte 60$. C'est comme le sucrier, 60$. Est-ce que j'achète l'un ou l'autre? Non, aucun des deux. Aucun des deux, mais c'est ça. Ensuite, on se fait pas des high-fives très, très souvent. Je suis pas très, très contact physique. Genre, tape sur l'épaule, puis tape sur la tête, tape sur la main. Je fais jamais ça. Mais ceux qui le font, OK, ça serait fun d'avoir un petit peu plus de plaisir en le faisant. Oui. C'est le high-five Fiesta. C'est un petit gadget qui tire des confettis dans les airs une fois qu'on donne un high-five. C'est une cartouche de confettis réutilisable qui peut facilement être rechargée lorsque, dans le fond, les confettis sont sortis. C'est pas disponible pour être acheté en ce moment. Par contre, les créateurs vont lancer une campagne sur Dragon Innovation. J'imagine que c'est un nouveau Kickstarter, Indiegogo, peu importe. Pour réussir à se rendre, vous pouvez aller voir le site de Fiesta 5 au fiestaetlechiffre5.com. Quand même le fun. Quand même. Et ce qui est le fun, c'est que sur le gadget en ce moment, ce qu'on voit sur la photo, c'est qu'il y a une main avec un 5. Pareil comme le logo, mais c'est vert et jaune, pareil comme 5$ foot long, les 12 pouces, 5$. T'as bien raison. Même couleur. Ensuite, quand il y a un tremblement de terre en quelque part, quelque chose comme ça, tu veux te protéger. Souvent, tout ce que tu as, c'est ta chaise. Donc, il te faut une chaise qui se transforme en casque. C'est le Mamoris. En plus, Mamoris, ça fait ma mère pas mal. Oui. Ça protégeait tes seins, ça aurait du sens. Donc, ça a l'air d'une chaise typique, sauf pour son design qui ressemble à un dôme qui est en dessous du siège. Non, je pensais que c'était pour pouvoir ne pas aller aux toilettes. Je pensais que c'était une cuve. Ça aurait été encore mieux, je pense. Donc, designé par le designer industriel japonais Kota Nezu de chez Snug Design. Donc, c'est ça. Ça dit qu'il y a des centaines de tremblements de terre par année au Japon et la Mamoris a été dévoilée à la Tokyo Designers Week récemment. Quand même, c'est un twist la chaise de 90 degrés à 90 degrés. Ça va détacher le reste et tu vas pouvoir te mettre ça sur la tête. Ouais. On va virer à l'envers. Wow. Ensuite, justement, la chronique qu'on fait là, fait dépenser beaucoup d'argent. Oui. Et là, ton portefeuille, il te dira pas arrête de dépenser. Non. Sauf celui-là! Oh! C'est le concept, en fond, c'est pas un portefeuille qu'on peut acheter, c'est le Living Wallet, un concept qui, dans le fond, c'est comme un portefeuille vivant qui te demande d'économiser de l'argent. Il y a trois modes. Le mode Evade, où le portefeuille va s'en aller sur ses roues, OK? Il y a des petites roues dessus. Oui. Il y aurait des petits trous. T'as Help, qui, le portefeuille va se mettre à crier à l'aide pour que les autres gens réagissent et te disent « ne dépense pas ». T'as le mode dernier recours où le portefeuille envoie un message texte au propriétaire aux parents du propriétaire du portefeuille. Il y a aussi un quatrième mode qui s'appelle le mode consommation qui t'encourage à dépenser l'argent que t'as mérité quand t'as finalement accumulé assez d'argent. C'est un concept, hein, ça existe. Ben, écoute, je trouve ça cocasse. Moi, c'est drôle. Les petits trous surtout. Oui, quand il s'en va, je suis en train d'écouter la vidéo, c'est vraiment, c'est très drôle. Tu sais, je m'imagine juste tu veux acheter quelque chose, tu mets ça sur la table, mettons, pour du vendeur. Ouais. Mais ça part vraiment pas vite. J'imaginerais un épisode genre des Simpsons où ça dure vraiment longtemps. Il fait juste s'en aller. Là. Ou un mauvais gag dans Family Guy. Oui, jamais. Peut-être plus Family Guy. Dans Family Guy, la blague continue. Là, c'est plus drôle. Là, elle continue. Ah, ça devient drôle. Ah, là, ça redevient plus drôle. Oui. Ah, ça redevient drôle. C'est interminable. Ah. Ensuite, dans ton appartement, oui. Dans ton appartement, t'as un lit. Ou dans ta maison, je crois que t'es rendu avec une maison. C'est ça? Oui, bref. Des fois, tu peux quand même manquer de place dans un appartement. Donc, il te faut ce lit qui est bougeable ou amovible, mais verticalement. C'est les mobile beds créés par Espace Loggia. Donc, des lits qui se déplacent verticalement. C'est pas fait pour supporter du poids lorsqu'ils sont en hauteur. Par contre, ne pensez pas que vous allez avoir un lit à deux étages avec juste un étage, mais d'ailleurs. Le mobile bed est fait pour être poussé vers le plafond pendant la journée pour avoir plus de place en dessous pour, par exemple, mettre une table, un divan, des chaises, peu importe. Et quand t'arrives le soir, tu tasses les tables, descends le lit et tu vas te coucher. Ouais. Bon, quand même. Ensuite, on parle toujours de meubles ici. Évidemment, on a besoin de plusieurs meubles, mais des fois, on n'a pas assez d'argent pour en acheter plusieurs ou pas assez de place. Donc, c'est le bloc sofa qui devient un paquet de différents meubles dépendant de ce que tu as besoin à ce moment-là. Donc, c'est un sofa avec des coussins en cube. Et si tu veux un sofa plus plat ou un lit pour prendre une petite, pour faire une petite sieste, tout ce que tu as à faire, c'est réarranger les coussins à différents endroits dans le moule, si on veut, du divan, qui est un moule genre en bois et qui accepte de, que tu mettes les cubes un petit peu n'importe où. C'est par Scott Jones, le bloc sofa. Quand même, c'est agréable. Ça a l'air agréable. Oui, tout à fait. Ensuite, toujours dans le domaine des meubles, c'est le fold-in, qui est une chambre à coucher que tu peux installer un peu n'importe où quand tu as besoin de faire une sieste ou peu importe, quand tu couches chez quelqu'un. Donc, tu déplies ça, tu te prépares pour aller te coucher et tu déplaces les affaires qui sont dedans. Ça devient comme un genre de paravent. À peu près la grosseur d'un ascenseur, si on veut. À l'intérieur, t'as un lit avec un matelas coussiné. Ben, c'est quand même un petit lit, là, comme tu vois sur la photo. C'est quand même relativement assez petit, assez petit lit. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux transporter facilement de place en place. Là, disons que c'est quand même assez volumineux. Là. Mais bonne idée quand même pour dormir. Je sais pas. C'est bizarre quand même. Une chambre mobile. Bah, pas si pire. Tiens, qu'est-ce qui améliore quelque chose dans la vie? C'est des petits pieds. Si seulement tout pouvait avoir des petits pieds. Une fille avec des petits pieds, c'est cute. Un pot avec un petit pied, c'est cute. Une tasse avec des petits pieds, des stéréos, des colonnes de son et des petits pieds. Ben, c'est ce qu'on vous propose. Donc, juste à mettre un petit peu de colle, c'est les Little Feet for Everything, des accessoires stupides faits à partir de moules de céramique, à partir de moulures imprimées par imprimante 3D. Donc, c'est parfait pour ajouter des pieds à n'importe quoi et les faire tenir en place. Il y a aussi une option pour des pieds, des pattes de poulet. Ouais, les pieds humains coûtent 20$ américains, les pieds de poulet, 18$, 2 piastres de moins pour les poulets. Mais ils ont pas très l'air très solides. Non, je sais pas. Ben, je sais pas, ils ont mis ça sur une balance dans l'image. Et puis, il me semble que la balance, elle peut aller jusqu'à 5 kilos. Puis, je sais pas, on dirait que les petits pieds, ils vont péter. Ah ouais, j'avoue. Faudrait qu'ils mettent les petits pieds sur la balance pour savoir combien ils pèsent, pour savoir s'ils sont solides à la place. Exactement. Ouais. Tiens, les selfies. Tu sais ce que c'est, les selfies? Oui, c'est les photos que tu prends dans le miroir de toi-même avec une face de canard, les duck face. Oui. Donc, prendre des selfies, c'est bien cool, mais on veut enlever le miroir. On veut vraiment juste prendre des selfies, mais pas dans le miroir. C'est la compagnie Audiovox qui annonce ses Shutterballs. Shutterballs. C'est une boule ronde avec, dans le fond, c'est Bluetooth. Et c'est un activateur de shutter là, pour l'iPhone et certains des appareils Samsung Galaxy. Donc, la télécommande fonctionne avec une application disponible sur le Google Play ou le App Store. Et puis, ça utilise le Bluetooth à faible énergie. Ça va jusqu'à 60 pieds de distance. Ça vient avec une batterie de montre qui promet jusqu'à 5 années d'utilisation. Et c'est disponible pour 25$ en plusieurs couleurs. Et ça s'envoie avec un petit stand pour tenir ton téléphone pour pouvoir prendre des selfies. Donc, c'est vraiment une balle que tu appuies dessus. Ouais. Ça prend une photo. Prendre des selfies. L'idée est pas mauvaise. Non, c'est beau comme gadget aussi. Ouais. Ensuite, il y a un cornet de crème glacée à 225$ qui brille dans le noir, créé par Charlie Francis, de la compagnie de crème glacée Lick Me, I'm Delicious. ça brille dans le noir parce que ça contient une version d'une même protéine qui fait que certains poissons brillent dans le noir, les jellyfish entre autres. La crème glacée réagit à la langue de la personne qui mange. Ça va augmenter le niveau de pH dans la protéine et ça va la faire briller. On dit que la crème glacée réagit à la chaleur de la bouche et plus tu lèches, plus ça va devenir brillant. Wow! Tu sais? Mais moins tu vas en avoir. Ouais. Et ça vaut chaque lichette pour 225$. Oui. C'est cher. J'espère qu'elle est bonne au moins. Je sais même pas c'est quoi la saveur. Ça dit même pas tellement que c'est pas important parce que ça fait juste briller dans le noir, c'est plus de quoi, à quoi ça goûte. Ensuite, la plupart des alarmes vont essayer de te réveiller avec, par exemple, des sons, de la lumière, une combinaison de tout ça. Cette alarm clock, mais alarm écrit en majuscule, bref, va biper comme n'importe quel autre cadran, mais ça va aussi faire que tu vas vouloir passer ton temps, dans le fond, tu vas vouloir profiter plus de la vie. Le designer de Chicago Fig Company, ça c'est une compagnie, hein, pas une personne. Donc, Alarm Clock se connecte via Wi-Fi à une application mobile. Tu vas entrer ton login, ton compte de banque et tes réseaux sociaux. Et tu vas pouvoir afficher soit tes économies, tes investissements, des trucs comme ça, pour te motiver, j'imagine, à te lever, je sais pas trop quoi. Et si c'est pas assez pour que tu bouges et que tu ailles travailler, par exemple, pour faire plus d'économies, dans le fond, j'imagine que c'est ce que ça veut faire, là. Si tu vois tes économies qui c'est pas assez haut, tu vas pouvoir aller travailler pour faire plus d'économies, pour faire plus de travail, pour plus d'économies, pour pouvoir t'acheter plus d'affaires. Bref, et ça peut aussi te dire le nombre de jours et d'années avant ta mort, basé sur ton âge, ta santé, ton style de vie, ta diète, ton historique familial et d'autres facteurs. Donc ça veut dire dans combien de temps tu vas mourir pour que tu l'aies, tu profites de la vie, c'est ça. Ouais. C'est 85 $ américains. Hein? Demain. Tu vas mourir demain. Ah. Lève-toi. Qu'est-ce qu'on va faire? On est là à la radio à dire des niaiseries. Ah. Et moi. Donc, 85 $ sur Kickstarter pour avoir votre alarm clock. Voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Donc, on fera d'autres gadgets la semaine prochaine. On fait ça d'habitude le mercredi, cette chronique-là. Pour l'instant, on prend une petite pause. Oui. Puis on revient avec des affaires pendant une demi-heure de n'importe quoi. Hein? Restez là. Ça donne envie, hein? Oui. C'est ouais. Pas son foutu palmarès que t'as? Ouais, tantôt. OK, bon point. Ouais. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Ah, on a évacué le mucus, on est de retour à Assemblage requis. Avec Jean-Philippe Charbonneau. Mathieu Plante. Oui, tout le monde a le rhume, tout le monde littéralement, je crois, a le rhume aujourd'hui. Ben oui. Autour de moi, en tout cas. Je sais pas, peut-être parce que je connais seulement du monde de radio et seulement des gens qui ont mis la bouche sur les 5 micros du studio. Oui, c'est peut-être un hasard, peut-être pas. Peut-être pas. Donc, plus tard à l'émission, on aura son foutu palmarès, la chronique de Liszt. Oui, d'assemblage requis. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs dans, je me rappelle plus. C'est 50 raisons de faire des exercices. Ouais. Et comment gâcher une relation. Ah oui! On fait ça tantôt, mais avant, nouvelle entrée francophone de Simon Kearney. Voici Laisse-moi pas tomber. Je ferai pas ça, Mathieu. Laisse-moi okay. pas. Je te fais confiance. Tomber. Oui. Dans ma tête. Don Kearney. Laisse-moi pas tomber. Laisse pas tomber. Allez. Chance d'être aimé. Mais c'est pas ça. Non. Ben meilleur ça. Oui. Simon Kearney, d'ailleurs, l'album est produit ou écrit en partie par Antoine Graton. Et réalisé, ouais, par Antoine Graton. Voilà. Tant mieux, c'est super. Maintenant, assemblage requis, c'est le moment de faire une liste exhaustive de choses. Et là, quand je dis exhaustive, c'est long pour rien. Mm-hmm. 50 positions, la prochaine liste. Oui. Commençons. Son foutu palmarès. L'avantage d'avoir une intro de 40 secondes cette chronique-là, c'est que j'ai eu le temps de trouver une chanson pour dans le milieu de la chronique. Oh! Donc, on fait le top 50 des raisons de faire de l'exercice. Oui. Et je fais ça parce que j'essaie de me convaincre moi-même. Bonne chance, Mathieu. Bonne chance, Mathieu. Merci, Mathieu. J'ai hâte. J'ai hâte d'entendre. Donc, allons-y. On va y aller rapidement. Puis si jamais il y a quelque chose qui t'accroche, tu m'interromps quand tu veux, OK? Oui. Ça améliore ton humeur. Ben oui. Ça fait que t'apprends plus rapidement. Ça aide à ton estime de soi. Ça garde ton cerveau en santé, ça garde ton corps en santé, ça augmente ta santé mentale, ça augmente et améliore ton système immunitaire, réduit le stress, ça te rend plus heureux, ça a des effets anti-âge. Okay? Prends ton souffle, ça fait juste 10 sur 50. À chaque 10, je prends mon souffle, c'est bon? Oui. Ensuite, ça améliore ta peau et sa couleur de la peau. Ça améliore ton sommeil, ça va t'aider à mieux dormir. Ça va aider à prévenir les affaires du cœur, les crises cardiaques, etc. Ça améliore la fonction des jointures, ça améliore la fonction des muscles, ça soulage l'anxiété. Ça améliore la mémoire, ça aide à contrôler les addictions, genre les dépendances, si on veut. Ça augmente ta même positivité. Même aux séries télévisées, sûrement, hein, parce que tu fais de l'exercice. Dexter, ouais. Tu t'entraînes le pouce à appuyer sur play sur le prochain play, play, play, oui. À moins que tu fasses du vélo stationnaire devant la télé pendant que tu écoutes un film. Ce qu'il faudrait, ce serait pour moi un vélo qui fait fonctionner l'électricité de la pièce si je pédale. Ouais. Donc, je peux juste considérer, regarde, il y avait une auto-promo de Vrac TV à l'époque, au début de Vrac TV. Qu'est-ce que c'était ça? Il faisait jouer Dawson's Creek en pédalant vite. Mm-hmm. C'est drôle. Et non, faut pas mélanger le vélo avec... oh non, il est vraiment plate. Non, vas-y, je t'écoute. Avec un vélo Cérato. Un vélo Cérato. Une blague de dinosaure! Je l'ai même pas assumé. J'ai même pas assumé. C'est toi qui l'as dit finalement. Ça fait je suis sûr qu'on m'entend pas la dire. 9h08, ouais. Vélo, c'est là. On était rendu donc à les additions, les dépendances. Oh là là. Ça va améliorer ta productivité, ça va augmenter ta pensée créative, oui. Ça va améliorer ton image de toi-même, ça va donner confiance en toi, ça va aider à te garder focusé dans la vie, ça va améliorer tes habitudes alimentaires, ça va augmenter ta durée de vie, ça va renforcer tes os et ton cœur. Ça va améliorer ta posture, ça va empêcher les rhumes, ça va améliorer l'appétit, on est rendu à 30. Oui. Ensuite, ça améliore ton niveau de cholestérol, ça baisse les risques de certains cancers, baisse la pression sanguine, baisse les risques de diabète, ça combat la démence, ça aide tes problèmes de dos, ça baisse les risques d'ostéoporose, ça réduit le sentiment de dépression. Ça empêche la perte de muscles. Oui, c'est sûr que ça aide. Hein? Ça aide. Ça aide. Ça améliore ton énergie et ton endurance. On est rendu à 40. Oui. Il en reste seulement 10. Ça améliore ta performance dans les sports. Ça améliore ta résistance à la douleur. Ça améliore ton équilibre et ta coordination. Coordination, c'est bien ça? Oui. Ça améliore l'oxygène envoyé à tes cellules. Ça va améliorer ta concentration. Ça va t'aider avec le contrôle de toi-même. Ça va réduire la fatigue. Ça va augmenter ta libido et ta satisfaction au lit. Ça va rendre ta vie plus excitante. Et numéro 50, ça va améliorer ta qualité de vie. Ouais. Bon, il y a des petites redondances que j'ai pu remarquer. Moi aussi. Tu sais, tu dors mieux, t'es moins fatigué. Bon, écoute, c'est pas mal le même. Là. Ça va ensemble. Un top 40 aurait été parfait. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a fait faire de l'exercice vocal. Oui. Et ça c'est comme de l'endurance. C'est là, je me suis enduré. Écoute, moi, je t'endurais plus. Non, c'est ça. Je comprends. Bref, allez voir le top sur assemblagehockey.com si jamais vous en avez oublié un là-dedans. Oui. On fera une deuxième partie tantôt sur les choses à ne pas dire pour garder votre relation. Les pires choses qu'on peut dire dans une relation avec une personne du sexe qui t'intéresse. Bref. Oui. Mais pour l'instant, on écoute les trois accords. Voici exercice. Tout arrêt sur ce banc nous éteint. interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement pour pouvoir s'y promener sans s'arrêter devant. Exercice des trois accords. Ouh! C'est bon, ça. Oui, c'est bon. On était dans son foutu palmarès. Oui. Comme le monde de la chanson en ce moment. Et c'est la deuxième partie. On va parler maintenant des pires choses qu'on peut dire dans une relation si on veut, dans le fond, la garder. C'est les pires choses à dire pour la garder parce que ça va être des bonnes raisons de ne pas la garder. Oui, finalement. C'est ça. Donc, commençons par la conseiller sur la beauté. Par exemple, tu serais encore plus belle si tu faisais quelque chose. Que ce soit maquillage, vêtements, coiffure ou faire du gym, même des exercices comme on a parlé tantôt. Si vous dites quelque chose qui est indésirable ou qui devrait être changé chez votre copine ou copain. Oui. Si tu mettais un sac sur la tête. Ah! ensuite, ah! le prochain. Assumé celle-là. Oui, tu l'as assumé, vraiment. Calme-toi. Faut pas dire calme-toi. c'est toxique dans presque n'importe quel contexte. Bref, on dit pas ça. Calme-toi. Mm. Ensuite, de l'autre côté, tiens, sois donc un homme. Ah. Sois donc un homme. Fais un homme de toi. Fais un homme de toi, c'est ça. Bref, rien ne va mettre un gars plus sur la défensive que sois donc plus un homme. Ensuite, disons, présumer ou l'accuser d'être un petit peu stupide, comme dans genre, ah, tu comprendrais pas de quoi je parle en ce moment. Oui. Tu comprendrais pas laisse faire. Ouais, t'as une affaire de football ou de série télé. Ouais, c'est trop pour toi. C'est trop pour toi. Ouais. Petite bête, inoffensive et naïve. Ensuite, ah, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes-tu? Mm. Ça peut devenir gossant à la longue. Surtout si c'est aux 5 minutes. Ouais. Même une fois par jour, c'est trop. Ensuite, j'aimerais que. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire pour celui-là? Moi, je dirais que je ne comprends pas. L'insécurité. Quand tu te sens insécure envers toi-même, j'aimerais avoir quelque chose de plus à t'offrir. J'aimerais que mes jambes soient moins grosses. J'aimerais que ma bedaine soit. Tu sais, si tu dis ça, si t'es insécure, ça va faire que l'autre personne va pas apprécier ça. Ah ouais. Dans le fond, si t'as pas confiance en toi, tu sais, la confiance en soi, c'est bien important. Je sais pas de quoi je parle du tout. Ensuite, comparer la personne à une autre personne. Genre, ah, j'avais jamais remarqué, mais tu ressembles beaucoup à telle personne. Tu sais, ton intention, c'est de la flatter, mais l'autre, ben, dans le fond, l'autre va prendre ça mal. Parce que les filles, évidemment, prennent tout mal. Ouais. Ça, c'est. Hein? Hein? Sont-tu là pour se défendre ce matin? Je pense que ça doit être une des affaires qu'on peut pas dire. Oui, femme, ça. Les comparer à leurs parents. T'es comme ta mère ou ton père. Ah! Oh. On s'entend que c'est rarement un compliment. Non, c'est ça. Puis c'est conjoint, conjointe. Tu sais, t'as déjà couché avec. Ça fait des drôles d'images. T'as déjà couché avec sa mère. J'avoue que ça peut être inconfortable. Oui. dire je m'en fous. Ah, je m'en fous. Tu sais, genre couper la phrase que quelqu'un est en train de dire. Mettons, ta blonde est en train de dire quelque chose. Tu dis, gars, je m'en fous. Ouais. Ou tu vas sur ton téléphone, tu fais quelque chose d'autre. C'est un peu insultant. Puis, tu sais, souvent, ça doit être pas je m'en fous que tu dis. Ça doit être plus rough. Ouais. Ouais. Ensuite. L'agacer sur quelque chose qu'elle a déjà fait. Mettons, ah, tu te rappelles-tu la fois où, ça fait-tu la fois où t'arrêtais pas d'éteindre l'ordinateur parce que tu t'enfergeais sur la power bar, mettons. Ça, David Ferron, mettons. David Ferron, pauvre gars, tu sais, ça va. Oui. C'est plat. Oui, il peut nous en vouloir. Il pourrait, ça serait facile de nous en vouloir. On s'acharne un petit peu dessus par moment, des fois. C'est par amour. Ensuite, remettre en question ses compétences. Est-ce que t'es sûr que tu sais ce que tu fais? Comme, mettons, avec une carte, mettons, GPS ou une carte routière. Puis là, tu pourrais dire, de toute façon, t'es même pas capable d'appuyer. Ton frère serait capable. Je m'en fous! Ta mère était capable hier dans son lit. Fait que là, j'ai d'en faire au moins 5, là. Genre, pas pire, bravo. Ensuite, les accusations genre un petit peu paresseuses, genre pourquoi est-ce que c'est moi qui dois tout faire, t'sais? D'accuser l'autre de rien faire dans les tâches ménagères, par exemple, ouais. Tu dis, moi, si je fais telle affaire, je passe aspirateur, l'autre va dire, crip, j'en fais plus que toi, sinon, tu sais, ouais. Égal ou plus, fait que non, faut pas faire ça. Ensuite, t'sais, une mauvaise excuse, par exemple, t'sais, mettons, t'as pas répondu à ces messages textes et tu dis, bon, j'avais plus de batterie, tu sais. T'aurais pu la contacter autrement, t'aurais pu lui téléphoner sur le téléphone au bureau, oui. T'aurais pu. Tu sais. Ouais, en tout cas, c'est comme l'histoire de ma vie. ensuite, dire j'ai besoin d'espace, ou je pense qu'on devrait peut-être prendre une petite pause. C'est quelque chose qu'on devrait pas nécessairement dire si on veut rester en couple. Non. En effet, bon point. Ça ou je casse. Ça, ouais. c'est genre à éviter. Tu veux rester en couple. évidemment, l'incertitude par rapport au futur, par exemple, je sais pas si ça va fonctionner entre nous deux. T'sais, même si tu penses pas casser nécessairement, mais tu dis, je suis pas sûr que ça va marcher. Écoute, je nous donne pas plus qu'un an. Mettons, le décompte commence maintenant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou commençait hier, quand j'ai couché avec ta mère. De toute façon, de toi, je m'en fous. Je l'ai replogué une autre fois. Faudrait que je change. Tellement. Faut que je change, Mathieu. Un peu redondant. Ouais. Ouais. Ben voilà pour le palmarès. Oui, ouais. Parce que c'est comme un top 16 avec 15. Bon, mais ça commence un autre quand tu fais le prochain. Oui, là, c'est ça. Tu suis ça? Oui. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Puis il y a comme deux perroquets, moi, qui s'aiment. Je pense que ça pas rapport. Toi? Moi, c'est pas la même. Ah! Non. Moi, c'est Lovebirds. Lovebirds! Est-ce que les... Moi, c'est Laisse tes mains parler. Ah, OK. Ça parle de massage et c'est rendu comment est-ce que tu peux devenir quelqu'un de colleux et d'affectueux. Ah! Ça me tente pas de faire ça. Non, ça. Moi, ça dit est-ce que les animaux peuvent aimer? Wow. Puis j'ai... Non. Puis là, là, c'est même pas des histoires de faits, là, c'est des histoires de petites photos. Là. Comme, mettons, il y a un chat par-dessus un chat, fait qu'il s'aime. Excuse-moi, une iguane mais... par-dessus une iguane, ouais. Il s'aime. C'est sûrement photoshopé. Avec tout le respect que je porte à tout le monde, on fait pas de palmarès photo à ça. Ouais, non merci, ça m'intéresse non. pas. Donc voilà, pour son foutu palmarès, c'est tout. Je suis désespéré. On a fait deux palmarès qui avaient quand même du sens. Oui, oui. Le deuxième, un petit peu moins, on dirait que... Je sais pas, j'ai fait confiance, là, c'est des bonnes raisons. Là. Mais il me semble que je trouve ça facile. Ouais, c'est un palmarès facile. C'est un peu facile. Ben bon. C'est ça, est-ce que ça peut être une cause que ça va de pas divorce. De divorce? C'est trop facile. Ouais. Laisse le même bout, c'est la même position. Ouais. Ta mère. Sa mère, par exemple. intense. Oui, mais aussi drôle. On s'en va en musique avec The Danks. Voici Experimental Fiction sur C'est fou. Puis après ça, ben, c'est presque à la fin de l'émission. Il reste pas grand temps. Profitez-en. Experimental Fiction de The Dang. C'est un peu comme notre histoire tantôt là, de coucher avec la mère à quelqu'un. Là. C'est de la fiction expérimentale, ça. Là. Oui. Qu'on aimerait tous essayer. Non, je sais pas. Le fantasme de tu sais, les cougars, là. Oui. Les femmes plus âgées, je sais pas d'où ça vient, parce que je comprends comme pas. Mais tant mieux. Tant mieux pour ceux qui ont ça. Là. Oui. Ouais. Je suis tellement mêlé dans les dates aujourd'hui. Là. Comment ça, donc? Ben, en fait, cette semaine. Ben, je sais pas. Mais... Tu sais pas si t'as couché avec une personne plus âgée hier ou si c'était avant hier ou si c'est ce soir. C'est un peu que je vérifie dans mon âge. Oui, c'est ça. Dans mon âge. Dans mon âge. Ah oui. Bravo. Non, je sais pas. Lundi, je pensais qu'on était vendredi. Hier, je pensais qu'on était jeudi. Comme ma semaine Hercule. Ouais. Puis aujourd'hui, je pensais qu'on était mardi. Mais tu vois, c'est peut-être parce que justement, tes nombreuses copines, personnes âgées, les jours se suivent mais se ressemblent. Oui, ça doit être ça. C'est quoi la différence entre un dimanche puis un mercredi? Le jour de la messe. C'est le jour de la messe. Il y en a plus. Il y en a juste une la fin de semaine. Oui, c'est ça. Le jour du dimanche, c'est plus ouais. C'est là qu'on se casse. C'est comme quand vous avez des relations, puis là, c'est fini, puis là, tu dis « Oh, what a mess! » Comme quel dégât j'ai fait, mais c'est aussi un jeu de mots de messe. Oui! OK, j'apprends. Oh! La prochaine fois, si tu veux, on pourra faire ça à l'hôtel. Hôtel. T'es dans une église. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Écrissi, Eucharistie, excuse-moi. Ouais. Non? Ouais. Oh, hostie, je veux dire, hostie comme l'affaire que tu manges. Ouais, attends, on pourrait toutes les faire, les sacs, parce que c'est toutes des affaires d'église, c'est ça qui est le fun. Oui. Fait que, on a juste cité des mots d'église, on n'a rien dit de mal. Hein? Écoute, je pense que je deviens accro, il va falloir que je fasse une curée. Une curée. Bon. Coudon. Hey, je cherche l'homo on y est pour le dire, pour te remercier, te féliciter les l'homo. Les mots. Si tu veux la prochaine fois, OK, voilà, bye bye. On fera ça sous tente, sous la tente. sous tente. On se tente jamais ces blagues là. Non. C'est ça. était pas pire, encore on a déjà fait le pape. Ah ouais. Mais là, je pense qu'on va assez rapide de temps. Non. il y en a d'autres. Ouais, sauf que celle-là, je sais pas, elle est peut-être de mauvais goût. OK. Parce que quand je l'ai retrouvée, elle était enceinte. Ouais. J'hésitais à la faire. Ouais. Est-ce que je pousserais ma chance si je te demandais une partie? Je pense que oui. Oh! Ça te tente-tu? Tente pas, hein? Non, je suis pas dedans. Pas aujourd'hui. Hein? Non. Non, c'est ça. Non, ça marchera pas. À la place, on va écouter de Darcy. OK, oui, c'est bon ça. Voici Hunting. Pas à la chasse aux petits gars, pareil comme pape. Hein? Comme un... Oh! Hein? Moi, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu, donc. Call me. The Darcy's et la pièce Hunting. Et c'est là-dessus que se termine cette édition d'Assemblage Requis. Oui. On remercie les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Ingrid Arneberg. Oui, Véronique Mire. Mm-hmm. Pas mal ça. Oui. Mais on remercie aussi Stéphanie Paradis qui va être de retour le mercredi prochain. Oui. Et qui va être avec moi au Palmarès C'est Fou jeudi de toute façon. Et voilà. Demain à l'émission, on a David Ferron. Avec la langue dans ton oreille. Oui. On a François Landry qui va parler de politique dans son segment à succès, le Gouka 601. Et finalement, on va voir ce qui se passe en Mauricie et ailleurs avec Joanie Gagnon. Et alors, on sort. Oui, monsieur. Voilà. Restez à l'écoute pour, évidemment, le dîner à 11h avec Danny Janvier. Ensuite de ça, c'est Cool à être ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, deux reprises, le voyage de tête et la vie en mauve. Non, il n'y a pas de la vie en mauve cette semaine. Désolé. Je vais être de retour en direct à 16h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, l'émission de Geekitude. À 17h, ce sera les Palmarès C'est Fou édition top 5, toujours avec Stéphanie Paradis et moi. À 19h, c'est Rap Fusion, l'émission Devinez quoi de rap. Et voilà. C'est tout. Voilà. Suivez.ca. Pour la programmation complète. Assemblagerequis.com. Pour les balados de diffusion et les notes de l'émission. Et votre radio sur le 89 FM. Oui, mais on est sur Facebook aussi. Twitter. You Twitter. On est sur les Splash Face. Et sur les Zaplook. Zaplook. Et sur les Instagram et Shredder. Shredder. Pinterest. Oui. Ouais. Ouais. On est aussi assis, là. On est assis. Le plancher est assiéré. Ouais. Non. Nos lames sont acérées. Mm-hmm. Nos lames sortent de nos yeux parce qu'on est fatigué. On aime la fierté gay. L'arbre dans ses feuilles, Marilyn Marilé. Oui. Salon Marion, nous, à Montréal. À demain. À demain, bye.